Chapitre 3e. À ta place, dit un soir Langlois à son ami, j'irai trouver un magistrat. Je lui raconterai mon affaire. André fit un geste de dénégation très énergique. Pourquoi pas ? Reprit le docteur. Un magistrat est un être impersonnel, qui représente la loi. On ne rougit pas devant lui. Et l'enquête ? Répondit André. Les témoins ? La curiosité publique à peine endormie est déjà réveillée. L'emploi que Rose a fait de son temps à Paris, emploi que j'ignore et que je veux ignorer à jamais. Ces choses horribles, faudra-t-il les supporter d'un front calme? Et enfin, même si l'enquête arrivait à prouver que Rose a disparu, à quoi cela me servirait-il? À te faire une situation franche, répondit Langlois. André haussa les épaules. À quoi bon? Mais avoir un état civil régulier, tout au moins. Tu es veuf, et devant la loi, tant qu'un acte de décès n'aura pas constaté la mort de ta femme, tu n'es pas veuf. Tu peux vouloir te remarier. » André écarta du geste cette supposition invraisemblable. « Après une épreuve comme celle que je viens de subir, dit-il, tenter le sort encore une fois serait de la pure folie. Je suis condamné à vivre et à mourir seul. Je me soumettrai à ma destinée. » Langlois ne pouvait rien répondre à cela. Le conseil qu'il avait donné directement cette fois, après l'avoir suggéré à diverses reprises, avait toujours été obstinément repoussé par André. Le devoir du conseiller était épuisé. Tout ce qu'il pouvait désormais était de soutenir son ami dans cette pénible épreuve au moyen de sa sympathie éclairée. C'est ce qu'il fit. Claire Langlois s'était sentie fort émue du malheur d'André. Non que Rose l'eût inspiré beaucoup de regrets. Au contraire, une fois l'horreur du premier choc passé, elle avait secrètement pensé que la mort de Rose était une délivrance pour leur ami. Son mari n'avait pas cru devoir lui cacher les circonstances de cette catastrophe. Il la savait capable de garder un secret. D'un commun accord, ils avaient résolu de n'en rien dire à Marguerite, qui serait informée du décès de Madame André dans des circonstances officielles comme le reste de la ville. Mais le jeune ingénieur put lire dans les attentions de Madame Langlois et dans l'amitié particulière qu'elle lui témoignait combien toute cette famille prenait part aux ennuis de sa situation exceptionnelle. Marguerite ne disait rien. Assise auprès de sa sœur, le bébé sur ses genoux, ou bien quelque ouvrage d'aiguille en main, elle écoutait la conversation de son beau-frère avec l'ingénieur. Elle comprenait presque tous leurs discours, grâce à une heureuse promptitude d'esprit que doublait encore son grand désir de s'instruire et de prendre une part active à la vie de tout ce qui l'entourait. De temps en temps, ses yeux bruns veloutés se levaient sur André avec une expression de pitié douloureuse. Malgré le soin qu'avaient pris sa sœur et son beau-frère d'écarter d'elle, autant que possible, les récits plus ou moins fantaisistes des erreurs de Madame André. Elle en avait assez entendu pour savoir que le mariage d'André n'était pas heureux, et cela seul suffisait pour le rendre à ses yeux digne d'une affectueuse compassion. Vers la fin de novembre, André se décida à annoncer la mort de sa femme. On fut fort surpris de voir qu'il n'envoyait pas de lettre de faire part, et aussi de ne pas être convié à un service funéraire pour le repos de son âme. Mais le jeune ingénieur avait toujours passé pour un original, et cette infraction aux usages reçus attira sur sa tête de désagréables commentaires, sans que rien n'en vînt jusqu'à ses oreilles. Seule Madame Brun lui dit un jour avec cette verdeur qui caractérisait son langage ordinaire « Vous auriez bien pu faire à l'âme de votre défunte épouse la charité d'une messe. » André ne répondit pas. Marcel jeta sa moitié un regard fulgurant qui fut perdu. Depuis que Rose était morte, Madame Brun se sentait pour elle presque autant de charité qu'elle en avait eu peu jadis, et elle en voulait beaucoup aux jeunes veufs de ne pas témoigner une douleur plus appréciable aux yeux du public. Enfin, tout s'apaisa autour d'André, qui mit un crêpe à son chapeau et continua ses occupations ordinaires, comme si rien de particulier n'était arrivé dans sa vie.